route vers le bonheur et parsemée d'obstacles. Et quand c'est enfin ton heure, les gens te reprochent pas d'être sage. Sache que même sans erreur, la relève du miracle. Alors tâche d'en apprendre à savoir et de toujours être d'attaque. Et je me suis battu de relever la tête, j'ai même déçu après une défaite. Je n'ai jamais baissé les bras, non, jamais baissé les bras. Je veux manquer de rien, seulement être aimé, soit tous les moyens pour ne pas regretter. Fais-moi confiance et n'oublie jamais. Que tu sois ta couleur, que tu sois de l'ouest, de l'est, du sud, du nord, que tu sois vivant, noir ou blanc, tu as le droit au bonheur. N'importe ta religion, l'important au fond c'est que ton cœur soit bon. Que tu y crois ou pas, écoute-moi, tu as le droit au bonheur. Si les factures à payer t'empêche de vivre pleinement, si le fardeau compliqué te stresse profondément, dis-toi que la roue va tourner un jour évidemment. Mais n'est-ce pas la destinée, on choisit le moment. Alors sèche tes larmes et pas trop plus fort, reprends les armes et fais des efforts. Et surtout ne te perds pas en chemin, ne te perds pas en chemin. Que les problèmes ne les résolus pas, alors solutionne-les même pas à pas. Oui, fais-moi confiance et n'oublie pas. Bien que sois ta couleur, tu sois de l'ouest, de l'est, du sud, du nord, tu sois vivant, noir ou blanc, tu as le droit au bonheur. Peu importe ta religion, l'important au fond c'est que ton cœur soit bon. Que tu crois ou pas, écoute-moi, tu as le droit au bonheur. Il est temps que tu vives, que tu apprennes ta vie en main. Arrête la dérive, fais face à ton destin. Il est temps que tu vives, que tu apprennes ta vie en main. N'attends pas que ça arrive, ne remets rien à demain. Il est temps que tu vives, que tu apprennes ta vie en main. Arrête la dérive, fais face à ton destin. Il est temps que tu vives, que tu apprennes ta vie en main. Et tout ira bien. Que tu sois ta couleur, que tu sois de l'ouest.